J'ai peur. Non, pas pour moi, mais j'ai peur. J'ai peur pour les gens que je croise. Pour leur futur. Pour leurs enfants. Pour leurs futurs enfants. J'ai peur. S'ils savaient qui je suis. Je tiens leur vie entre mes doigts et eux, ils me regardent à peine. Comme une personne normale. Comme un simple mortel. J'ai peur. J'ai peur. De toute façon, le médecin me l'a dit, c'est incurable. Mais je partirai pas tout seul. Là, où il y a le plus de monde. Je sors mon feu, mais j'ai peur. J'allume. Ça se consume et... Ce n'est pas un bien pour nos enfants.